venu te dire que je ne suis plus le même. Depuis que t'es parti, bien des choses ont changé. De chanter ces chansons que tu n'écouteras plus. Pour un oui, pour un non, aujourd'hui tu n'es plus la princesse espérée, la princesse adorée. Moi le pauvre garçon qui n'ai pu te donner. Des je t'aime à jamais et des promis jurés. Des matins enchantés aux longues nuits d'été. Ne jamais se quitter et toujours s'adorer. Une vie pour un soir de plaisir partagé. Je te comblerai de ces mots insensés aujourd'hui oubliés. Je suis venu te dire que je ne suis plus le même. Le musicien fatigué n'a plus envie de jouer. Ces mélodies usées qu'on a envie de jeter. Qu'inexorablement le temps n'a pu effacer. Que même cette vie ne saurait rattraper. Le souvenir passé de nos amours cassés. Faut-il se demander pourquoi on s'est rencontrés. Si le vent soufflera toujours du même côté. Si la pluie tombe. Les étoiles ont brillé, le soleil a chanté. Fini le mois de mai, aujourd'hui c'est l'été. Revenus les oiseaux, balayer ces allées.